Vente. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Cette semaine, d'Auschwitz à Francfort. Un homme en révolte. Deutschland ist heute stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. L'Allemagne est fière d'être la patrie de Goethe et de Beethoven. Toutefois, l'Allemagne est aussi le pays d'Hitler, d'Eichmann et de leurs nombreux acolytes et complices. Im Oberlandesgericht Braunschweig wurde ein Prozess gegen den ehemaligen Generalmajor Remer geführt. In alten Zeiten. En étant plus reculés, les Allemands n'étaient absolument pas prêts à obéir aveuglément à leurs souverains. Dans les ouvrages de droit écrits au Moyen-Âge, on peut encore trouver cette phrase fondamentale « En pays allemand, chacun est tenu de résister à son empereur ou à son roi si ce dernier commet des injustices ». Ainsi que le souligne Micha Brumlik, historien à l'Institut Fritz Bauer, le Centre d'information et d'études sur l'Holocauste, avec le procès d'Auschwitz commence pour l'Allemagne la véritable phase publique d'assimilation du passé. Que le massacre puisse être considéré comme un crime, et non pas comme la conséquence d'une guerre horrible menée sur le front de l'Est, est alors une idée étrangère à beaucoup d'Allemands. Et d'un seul coup, le mal a un nom, un visage, un âge et une adresse. My fellow prisoners took me into a barrack which was formerly occupied by the Nazis. Meine Mitgefangenen brachten mich in eine Kaserne, die vordem von den Nazis besetzt war. Dr. Capesius fasst meine zwei Zwillingskinder an die Hände und führt sie bis zum Dr. Mengele. Es waren dort sehr viele SS-Soldaten. Und es waren viele Häftlinge in gestreiften Anzügen. Die Elternfrau mit Kindern wurden sofort auf der anderen Seite geschickt, zur Gaskammer. Und wer machte das? Dort stand ein Offizier. Ich erkannte ihn sofort, das war Dr. Capesius. Le procès de Francfort, connu sous le nom de Second procès d'Auschwitz, est constitué d'une série de jugements rendus par la justice allemande dans les années 60. L'instruction concerne le rôle de 22 prévenus dans le cadre de l'Holocauste et plus particulièrement de leur implication dans le fonctionnement du camp de concentration d'Auschwitz. Le procureur juif allemand Fritz Bauer est à l'initiative de ce procès. Le Frankfurter Auschwitz Prozess est le premier procès d'une série de 6 intenté contre des membres du personnel d'Auschwitz devant le tribunal de première instance de Francfort. La justice allemande va mettre en accusation les exécuteurs d'Auschwitz en vertu du code pénal de 1871. 20 mois de procès vont se tenir d'octobre 1963 à août 1965. 183 jours d'audience. 360 témoins venant de 19 pays différents, dont 211 survivants d'Auschwitz. Extrait du procès d'Auschwitz, documentaire signé Rolf Bickel et Dietrich Wagner. Die Sitzung und Handlung des Schwurgerichts am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. 4 des 22 prévenus vont bientôt faire les gros titres. Wilhelm Boger, spécialiste des interrogatoires de la Gestapo. Josef Kler, infirmier chargé de la désinfection. Victor Capesius, pharmacien du camp et responsable de l'approvisionnement en Zyklon B. Et le principal accusé, Robert Mulka, numéro 2 d'Auschwitz. Ancien membre du Freikorps, un groupe paramilitaire d'extrême droite, il a été exclu de la Wehrmacht pour détournement de fonds avant d'entrer dans la SS. C'est dans le Freikorps qu'il a rencontré le futur commandant du camp, Rudolf Höss, qui le choisit comme adjoint. En 1946, Höss est interpellé par la police militaire britannique et extradé vers la Pologne. Jugé et condamné, il est exécuté à Auschwitz. Commerçant aisé de Hambourg, Robert Mulka verse une caution de 50 000 Deutschmark pour rester en liberté après son arrestation. le procureur Joachim Kugler a débusqué l'ancien SS par hasard. Pendant des années, la justice de Francfort a cherché les assassins d'Auschwitz dans le monde entier. Elle a suivi des centaines de pistes, qui n'ont souvent mené à rien, jusqu'au jour où le fils de Robert Mulca décroche une médaille aux Jeux Olympiques de Rome. Joachim Kugler, procureur au procès de Francfort. Quand je l'ai arrêté, il a essayé de jouer la carte du commerçant hambourgeois respectable. Et dans le même ordre d'idées, dans la salle d'audience, au tout début du procès, il a expliqué qu'il avait été soldat et il voulait être traité en tant que tel. Il avait fait son devoir. Aussitôt, je me suis levé et je lui ai dit, à lui et à tous les individus impliqués dans ce procès, qu'il n'avait pas été soldat, mais membre d'un escadron de la mort en uniforme. L'Obersturmführer Mulca est l'adjoint du chef de cet escadron de la mort en uniforme qui rassemble quelques 3000 SS chargés d'assurer le fonctionnement de l'usine de mort d'Auschwitz. Des hommes violents envers les autres, mais soudés entre eux, y compris lors du procès. Les procureurs présentent à la cour ce document retrouvé à Auschwitz, prouvant que Mulca était bien le numéro 2 du camp et qu'à ce titre, il en chapeautait toute l'organisation. Cet ordre spécial, émis par Rudolf Höss, stipule que pour éviter toute blessure, les SS ne doivent entrer dans les chambres à gaz qu'au moins 5 heures après leur utilisation. Il est contresigné par Robert Mulca, preuve que ce dernier était au courant des gazages. C'est également à lui qu'incombe l'achat du Zyklon B et le transport des victimes jusqu'aux chambres à gaz. 23 juillet 1964, audition au procès de Francfort de Robert Mulca. Saviez-vous que les gens dans les camions allaient aux chambres à gaz? Je n'étais pas au courant. Comment expliquez-vous qu'on vous les cachait à la faveur des auditions? Je n'avais aucune raison de le savoir, car je ne m'occupais ni du camp, ni des détenus. En tant qu'adjoint du camp, vous prétendez avoir ignoré que les camions conduisaient ces gens à la chambre à gaz? Non. On ne m'en parlait pas. Vous n'étiez pas au courant. Tous les accusés adoptent la même tactique et un témoin, Joseph Kluck, n'en revient pas de voir leur mensonge s'étaler en une. 20 août 1964, audition du témoin Joseph Kluck. J'aimerais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. J'ai lu dans les journaux chez nous que ces messieurs racontent qu'ils ignoraient ce qui se passait à Auschwitz. Je dois vous expliquer qu'au bout de 2 jours de camp, je savais déjà tout. On savait tous. Cette petite bourse, bitte. C'est 16 ans alt. Der heißt Andreas Rappaport. Un gamin, il avait 16 ans, il s'appelait Andreas Rappaport. Il était dans la baraque 1. Andreas Rappaport gelebt 16 Jahre. Il a écrit avec son sang. Andreas Rappaport a vécu 16 ans. Et à moi, il a crié. Sag für meine Mutter, dass bis letzten Moment habe ich auf ihn gedacht. Dis à ma mère que jusqu'au dernier moment, j'aurais pensé à elle. Ce petit gamin savait ce qui se passait là-bas. Mais eux non. Thank you. Ce soir, au Keller Club, était le nom d'un rendez-vous télévisé extrêmement prisé sur la télévision publique Hessischer Rundfunk, une télévision s'adressant principalement aux habitants du Land Hesse. Le 8 décembre 1964, le procureur Fritz Bauer, entouré d'un groupe d'étudiants, accepte la proposition de répondre à leurs questions. Bei diesen Tätern, bei den Nazitätern gibt es folgende grobe, also ganz grobe Gruppe. Zunächst mal gibt es eine Gruppe, die heutzutage sehr gerne vergessen wird. Chez les criminels nazis, on trouve les groupes d'individus suivants. Des groupes très schématiques. Il y a d'abord un groupe d'individus qu'on aime bien oublier de nos jours, mais qui est le groupe le plus important. Celui des nazis conscients et convaincus. C'est-à-dire de ceux qui adhéraient à une vision du monde contraire à l'humanité. Ce sont ceux qui aiment bien qu'on les oublie dans la discussion. Ce sont ces personnes que j'ai appris à connaître quand j'étais étudiant, quand Hitler était encore insignifiant et qu'il faisait son tapage à Munich. Ce sont les nazis que nous connaissons et qui représentaient une part non négligeable du peuple allemand. Ce sont tous ces gens qui ont adhéré à une vision du monde que je qualifie d'inhumaine. De même qu'aujourd'hui, certaines personnes, aussitôt qu'elles entendent le mot « humanité », parlent tout de suite de « sensiblerie humanitaire » parce qu'ils pensent que faire preuve d'humanité, c'est être faible et mou. Es gab immerhin bis zum Jahr 1933 viele und auch im Jahr 1933 leider Gottes sehr viele in Deutschland. Jusqu'en 1933 et au long de l'année 1933, ils étaient nombreux en Allemagne, y compris dans les cercles académiques, à ne pas parler des Lumières, mais à privilégier le terme de pseudo-Lumière, notamment des enseignants d'écoles supérieures. Donc, il existe une partie non négligeable de la population allemande qui n'a pas été forcée. Ces gens n'ont pas été les victimes des manipulateurs cachés du nazisme, mais ils ont adhéré avec passion à la doctrine nazie qui, de mon point de vue, était inhumaine dès le début. Vous dites inhumaine, mais c'est votre point de vue. En relativisant les choses de cette façon, vous vous confrontez à nouveau à la conception des autres. L'autre pourrait vous dire, selon ma conception, le racisme était humain. En argumentant de la sorte, vous niez tous les principes qui sont communs à tous. Dans ce cas, comment rendre justice ? Mais en ce moment, nous ne parlons pas de justice. Recommençons à parler de nos criminels. Je dis qu'il faut faire une différence. Il faut différencier ces criminels en se posant la question : que faire de ces gens ? Cette question ne concerne pas uniquement les 22 prévenus du procès de Francfort. Elle concerne 50 millions d'Allemands, ou plus précisément 70 millions. Les 22 prévenus ne sont que les boucs émissaires qui ont été choisis. À Auschwitz, il y avait 5500 gardiens. Sur ces 5500 gardiens, les Polonais en ont peut-être condamné 150. Nous, nous avons sélectionné 22 hommes que nous avons estimés être les pires. Il y en aura 22 autres, mais il en reste 5000. Et nous parlons uniquement des gardiens d'Auschwitz. Le problème d'Auschwitz, on sera sans doute tous d'accord là-dessus, ne commence pas aux portes d'Auschwitz et de Birkenau. Il a d'abord fallu acheminer les victimes vers ces camps, et elles étaient nombreuses, très nombreuses. C'est dire que c'est un problème collectif qui concerne notre psychologie collective. Je le dis sans idée d'accuser, c'est un pur fait social. De même qu'on peut faire une différence au sein du peuple allemand, on peut en faire une parmi nos 22 accusés. Commençons par prendre ceux qui étaient des nazis convaincus, il y en avait beaucoup. C'étaient des antisémites fervents, qui étaient entièrement convaincus que l'assassinat des juifs était un acte rédempteur, un bienfait pour l'humanité. Mais comment réinsérer des gens comme ça, étant donné que l'antisémitisme par essence est irrationnel et qu'une telle disposition d'esprit ne peut être révisée rationnellement ? Je voulais d'abord évoquer les différentes catégories. Voilà pour la première partie. Elle concerne les nazis convaincus, les représentants d'une vision inhumaine du monde. Dieu sait qu'il y avait de nombreuses visions du monde inhumaines. C'est avec une profonde tristesse que chacun d'entre nous pourra probablement constater que même nos grandes religions ont été très intolérantes. À commencer par les croisades qui, à l'époque, ont coûté la vie à des centaines de milliers de juifs et de sarrasins. Il y eut la nuit de la Saint-Barthélemy. Il y a eu, oh Dieu, il y eut tant d'exactions sur cette terre commises au nom de visions du monde supposément justes. Il y eut les hérétiques, les sorcières et je ne sais quelles autres brutalités. Donc, pour commencer, il y a les convaincus. Ensuite, il y avait en Allemagne toute une série de personnes que vous connaissez comme moi. Ce sont celles qui ont été éduquées, comme je l'ai été petit garçon, par ma mère et mon père, de façon autoritaire. Tu t'assieds à table, tu te tiens bien et tu la boucles. Quand papa parle, tu te tais. La situation s'est peut-être améliorée, mais nous connaissons tous ce type de père. Moi-même, j'ai encore des sueurs froides quand je repense à ces dimanches midi où j'avais eu l'outrecuidance de déplacer mon bras gauche au lieu de le laisser sagement poser sur la table. En Allemagne, l'éducation autoritaire était la base de l'éthique allemande. Son principe de base, qu'on a tous entendu trop souvent, est « la loi est la loi, les ordres sont les ordres ». Voilà pour le béaba de l'efficacité allemande, le béaba de la prospérité allemande des 150 dernières années. Nous voici donc confrontés à un problème d'autorité. Autoritaire, oui ou non? Une partie des personnes qui ont participé l'ont fait. Mais pas parce qu'elles étaient des nazis. Que pensez-vous de ce qui se passe ici, en ce moment, en considérant les tendances de la jeunesse actuelle? En vous voyant, je me dis que vous êtes une bonne mère qui ne défendra pas à ses enfants de s'exprimer et de parler à leur mère. Et que si votre fils ou votre fille vous pose une question, vous allez faire votre possible pour lui répondre vraiment. Mais ne croyez-vous pas qu'il est dangereux de se baser sur des cas particuliers et de reposer son optimisme sur ces quelques personnes que l'on connaît, alors qu'on constate peut-être quand même que, majoritairement, certaines tendances sont toujours fortement présentes? Vous évoquez exactement ce que je veux mettre en exergue avec ce monsieur à ma gauche. Je voulais simplement vous dire qu'il existe différentes catégories de personnes qu'on ne peut en aucun cas mettre sur le même plan. Il y a quelques jours, j'ai reçu de Munich une lettre d'une femme extraordinairement intelligente. Elle m'a parlé, tout en se posant des questions semblables à celles que vous me posez, d'un officier allemand, un humaniste, c'est-à-dire qu'il a fait son gymnase dans les humanités, un bon philosophe qui s'est demandé, dans les années 1943-1944, ce qu'il devait faire, fuir ou continuer à participer à cette saloperie. Il a laissé une lettre dans laquelle il explique que Kant, Emmanuel Kant, professeur à Königsberg, aurait expliqué que le grand accomplissement éthique de l'être humain consistait toujours à faire ce qui lui répugnait le plus, car ainsi l'exigeait le devoir. Kant n'était pas aussi extrême, mais on peut trouver des choses similaires dans son œuvre. S'il vous arrive de lire Schiller, vous verrez qu'il s'est copieusement irrité et fâché contre Emmanuel Kant. Quoi qu'il en soit, cet officier très haut placé dit qu'il a participé parce qu'il avait l'impression qu'à l'instar de Kant, c'était un vrai kantien, le devoir passait avant tout le reste. Le devoir requiert du dépassement de soi. Il n'est alors question ni d'idées, ni d'objectifs. La deuxième catégorie de personnes est donc constituée de ces personnes autoritaires qui pensent que le devoir est le sens de la vie. Dann gibt es eine dritte Gruppe. Ich will die Gruppe ja gar nicht ganz aufzählen, aber wir bemühen uns natürlich auch als Strafjuristen. Puis, il y a une troisième catégorie. Mon objectif n'est pas de les recenser tous, mais en tant que juriste du droit pénal, nous essayons de créer une sorte de série de types criminologiques. Ces deux premières catégories sont donc les produits caractéristiques de l'éducation allemande, celle des instituteurs allemands et des casernes, et partiellement, celle des parents allemands, sur le mode « si ça ne vous plaît pas, on vous resservira la même chose demain ». En disant cela, je me souviens de ma propre jeunesse. À l'époque, on ne s'opposait pas. On en arrive à la troisième catégorie. C'est évidemment celle des suiveurs, qui ont participé pour des raisons de confort personnel. Parce que suivre la majorité, c'est toujours ce qu'il y a de plus confortable. Hurler avec les loups, c'est très agréable, tant qu'ils hurlent. C'est toujours ce problème qu'on rencontre tous les jours, que vous connaissez, que je connais. Il existe une grande masse de gens qui ne demandent qu'à suivre la majorité. Ça les rassure et ils suivent le mouvement, sans se soucier du contenu éthique. Quelle majorité ? J'insiste. Avec raison. Considérons uniquement ces trois catégories. Je vous avoue que nous en sommes arrivés à un point crucial. Vous m'avez demandé pourquoi je voulais prolonger le délai de prescription. En fait, il ne serait pas nécessaire de le prolonger. Si on parvenait à tirer la bonne leçon des procès actuels. Il faut tirer les leçons des parents, des écoles, du public, de nous tous, pour réussir à ce qu'on appelle communément à surmonter notre passé. Évidemment, nous avons fait des choses en ce sens lorsque nous avons créé la République fédérale. La démocratie est inscrite dans la Constitution. Nous avons adopté la séparation des pouvoirs. Nous avons une démocratie parlementaire sous la responsabilité du gouvernement. Nous avons suffisamment d'institutions. De plus, nous avons les droits humains. On pourrait alors se dire que ça suffit, que tout y est et que tout a été formulé sur le plan juridique. J'en arrive à mon engagement humain dont il faut que je vous parle. Sie können Paragraphen machen, Sie können Artikel schreiben, Sie können die besten Grundgesetze machen. Vous pouvez écrire des paragraphes entiers, écrire des articles, vous pouvez faire les meilleurs articles constitutionnels qui soient. L'essentiel, c'est d'avoir les bonnes personnes qui mettent ces outils en œuvre. Personne ne crée la démocratie, que ce soit vous, moi, nous, chacun pour soi. C'est notre devoir et il ne faut pas perdre courage. Je vous l'accorde, on se triture considérablement les méninges. Je ne sais pas quelle profession vous exercez, mais ici, à Francfort, nous avons une sociologie. Messieurs Adorno et Horkheimer se creusent le cerveau. Nous avons ici l'Institut Freud. Les juristes, les psychanalystes se réunissent et se triturent les méninges. Et si cette conversation a un sens, ce qui est le plus important, vous devriez aussi vous triturer les méninges. J'avoue qu'il y a parfois de quoi désespérer complètement devant l'énormité de la tâche à accomplir. Les procès ne sont qu'une partie éphémère d'un tout et au fond, une occasion pour y arriver. Si je vous parlais de moi, sur un plan humain, je vous dirais que j'ai l'impression que les murs s'écroulent sur moi de tous côtés. Il faut les retenir de ce côté, de celui-là, de cet autre, parce que tout s'effondre. Il faut faire quelque chose sur ce pan et sur cet autre, et il n'est pas de discipline à commencer par la théologie en finissant par la sociologie sur laquelle il ne faudrait pas empiéter. En vous parlant de la sorte, je vous le dis, comme je le dis à tout le monde, nous n'avons pas d'autre choix que de nous serrer les coudes et de faire cette foule de choses. En 1964, la télévision française rencontre Joachim Kögler, procureur au procès de Francfort. Votre jeunesse, monsieur le procureur, surprend. Quel âge avez-vous ? 37. Vous avez donc fait la guerre ? Oui, j'étais un soldat. N'avez-vous jamais eu la tentation d'être nazi ? Oui, j'étais un membre de la jeunesse hitlérienne quand j'étais très jeune. De combien de pages se compose l'acte d'accusation ? L'acte d'accusation se compose de 700 pages. Et je crois que c'est le livre plus horrible dans le monde. Il vous a fallu combien de temps pour établir ce procès ? 5 ans. Quel serait selon vous le verdict idéal ? Prison pour toute la vie. Lorsque vous comparez ces peines d'emprisonnement aux crimes dont ces hommes sont coupables, ne regrettez-vous pas que la peine de mort ait été abolie en Allemagne ? Non, je suis contre la peine de la mort. Même devant ces crimes ? Et aussi je crois que les crimes d'Auschwitz sont si grands et si horribles qu'il est impossible de faire injustice. Pensez-vous qu'ensuite ces accusés seront amnistiés ? Oui, pas tout de suite, mais peut-être après un long temps. Vous le souhaitez ? Wünschen Sie es? Pas maintenant. Dans ces conditions, je veux dire, si l'on pense déjà à amnistier, est-ce que ce procès est bien nécessaire? Wenn man jetzt schon an Amnestie denkt, war dieser Prozess wirklich nötig? Je crois il est nécessaire pour la population d'Allemagne de connaître Auschwitz. Une ancienne déportée française, lorsque je lui ai demandé quel châtiment elle souhaitait à ses hommes, m'a dit « Le seul vrai châtiment consisterait à leur faire comprendre ce qu'ils ont fait, mais je crois que c'est impossible. » Je crois que c'est une grande idée. J'aime l'idée de cette femme. Mais mon expérience dans ce procès, ce que les accusés sont incapables de connaître le remords. Le remords. Sur plus de 6000 anciens SS ayant servi à Auschwitz, seulement 22 auront comparu sur le banc des accusés et aucun ne montrera le moindre signe de remords. 6 des accusés seront condamnés à la prison à vie pour meurtre ou complicité de meurtre. 11 seront condamnés à maximum de 14 ans de prison, 3 acquittés par manque de preuves et 2 mourront avant de comparaître. Ce sont au total 20 000 personnes qui assisteront à ce procès. Ein großer Dichter Deutschlands hat einmal seinen Mitmenschen und Mitbürgern in Deutschland. Un grand poète allemand, Hölderlin, a écrit ces phrases à l'intention de ses contemporains et concitoyens. Ins Stammbuch geschrieben. Handwerker sehe ich, aber keine Menschen. Je vois des artisans, mais pas des êtres humains. Je vois des penseurs, mais pas des êtres humains. Je vois des prêtres, mais pas des êtres humains. Des maîtres et des valets, mais pas des êtres humains. Aber keine Menschen. Mit dem Dichter. S'unissant à la voix du poète, les victimes des années 1933 à 1945 vous exhortent à ne pas être uniquement des artisans, des maîtres ou des valets. Nicht nur Handwerker, nicht nur Herren und Untertanen. Soyez des êtres humains. Seid Menschen. Des êtres humains. Menschen. Des êtres humains. Menschen. Demain, la suite de cette évocation de Fritz Bauer, nous serons en compagnie de Nicole Barry. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.